La quatrième, al-asaf al-a'mal al-mukhalafa li shar' adam at-takfir. Que la base dans les transgressions religieuses, c'est que cela n'est pas dans la mécréance. On ne doit pas mécréant pour cela. Là-bas, c'est que ça reste un péché. D'accord ? Ça reste un péché. والتكفير طائر طارئ على هذا الاصل ناقل عنه le takfir c'est une chose qui vient en plus qui est externe qui vient en plus mais n'est pas la base la base c'est que tu es musulman et tu fais mukhalafa la base c'est que c'est un péché et après il donne l'exemple pour éclaircir cela اقول واعتبر في هذه القاعده بما قرره اهل العلم في نواقض الوضوء على سبيل المثال فلا يجرؤ احد منهم على نقض وضوء صحيح الا بدليل ولو ان او لو احد في شيء من نواقض الوضوء طيب ولو قال احد في شيء من نواقض الوضوء برايه من دون دليل فانهم لا يقبلون قوله donc il a dit l'exemple par exemple c'est la at-tahara la purification tu as fait l'wudu pour la salat tu montes à faire l'wudu pour la salat ce wudu ne peut être annulé que par les choses qu'il annule qui sont basées sur un dalil précis. En dehors de cela, l'ozo n'est pas annulé. D'ailleurs, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Ahadakum ou shaitan fi salati, fayakul lahu, ahdafta, fayakul kazabta. » Dans un hadith, il dit « La yakhruj anna hata yasma'a sauta, aw yajid riha. » Et là, entre vous, s'il a l'impression que, par exemple, dans la salat qui le dégaze, par exemple, qu'il a pété ou quoi, eh bien lui, il ne peut sortir la salat tant qu'il n'a pas eu deux choses qui lui indiquent vraiment que cela s'est produit. Soit par l'odeur, soit par le bruit. Car des fois, tu as l'impression que c'est sorti. Ça ne l'est pas forcément. Il dit, c'est Shaitan qui vient, qui souffle, pour te faire croire. Après, tu es mouassouas dans la salat. Tu dis, oh, j'ai plus l'odeau. Non. T'as entendu un bruit? Non. Et une odeur? Non. Reste dans la salat. D'accord? Reste en salat. On a une qaïda dans Fikhriya, on avait dit quoi? Al-yaqin, la yazoulu, bi shak. Que la certitude, ne s'estompe pas par le doute. Donc toi demain, tu es muslim, sûr, d'accord? Rien ne te sort de cet islam-là, à part une chose qui est basée sur un dalil clair. Que c'est du kufr, sans quoi ça reste une marsiya. Et les choses qui sortent de l'islam, elles ont été énumérées par les ulama. On a pris par exemple les nawaqid de l'islam auparavant, qui sont le 10, dans ce livre-là, car ce sont le 10 sur lequel il y a unanimité, il y en a d'autres sur lesquels il y a divergence. Donc pour que quelqu'un te dise que tu es un kafir, après que tu sois musulman, il faut qu'il ait une chose précise et claire qui prouve cela, pour la faute que tu auras commise. Les versets qui parlent de takfir, ce verset-là, on revient au tafsir des salaf. C'est pas on dit le verset dit ça, ah, j'agis. Le tafsir, il veut dire quoi? Regarde ce qu'il veut dire le tafsir. C'est peut-être pas forcément ce que tu crois. Et les versets de celui qui ne juge pas avec le roi d'Allah, et un tafsir, on va en parler par la suite, avec les athars qui vont avec, que ce n'est pas du kufr akbar, à part avec le tafsir qu'on va évoquer, Inch'Allah. Al-Qa'ida al-Khamisa, cinquième règle. Mas'alat al-Hukm bi-ghayri ma anzala Allah, la takhtasu bi-ahadin dun akhar. Là, c'est un point important. Juger par autre que la loi d'Allah, cela est une chose qui touche à tout musulman et qui n'est pas spécifique à l'un en dehors de l'autre. C'est-à-dire que les gens, ils sont concentrés sur le hakim, le gouverneur. On dit, c'est pas que pour le gouverneur, cela. Arrêtez de la question gouverneur. Cela est valable pour toute personne. Tout musulman qui n'aura pas jugé avec le loi d'Allah, avec le tafsir qui va suivre, il est concerné par le verset et par les règles. Tous. Qala Ibn Taymiyyah, wa kullu man hakama bina ithnain fa huwa qadin. Toute personne qui aura jugé entre deux personnes, l'aura fait office de juge. Voyez. Sawan kana sahib al-harb أو متولي ديوان أو منتصبا للاعتصام بالأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر que soit un homme de pouvoir que soit un juge officiel ou que soit quelqu'un qui est par exemple fait cela pour ordonner le convenable et interdire le blâmable de lui-même avec la coudra de le faire il rentre dedans قال حتى الذي يحكم بين الصبيان في الخطوط فإن الصحابة كانوا يعدونهم من الحكام même celui qui vient gérer entre les enfants il leur apprend à écrire et de juger entre eux trancher entre eux d'accord où il a une autorité de dire de faire cela de ne pas faire cela il rentre dedans car ils disent que les sahaba voyez l'enseignant comme étant un hakim. C'est un gouverneur. À son niveau, un gouverneur, il en faut de l'obéir. Il meurt ouf. Comme ton cher, à la base, les gouverneurs à qui on doit obéissance, les tafassis sont venus qu'également, ça concerne les savants. Et ça concerne le père, le fils avec son père, le petit frère avec le grand frère, la femme avec son mari, la femme avec ses aouliers, toute personne qui a autorité, le général des troupes à l'armée, d'accord, ou dans une entreprise, le directeur, et ainsi de suite. Tous, celui qui a un rôle d'autorité sur un autre, ou qui agit une chose en jugeant pour autre que la loi d'Allah, rentre dedans. Rentre dedans. Al-Qa'ida al-Sadisa, sixième règle. Al-Ijmal sabab fi kathir ni l'ishkalat. Naam, arashim ou imjiddan. Les paroles vagues et imprécises sont des grandes causes d'égarement. Al-Itlaqat, les paroles comme ça, données dans l'absolu, catégoriques, sans citer les détails de la question ou quoi. C'est les choses qui amènent à l'égarement. Dans les moments où il faut préciser. Dans les moments où il faut préciser, quelqu'un qui parle sans préciser, il peut amener à des égarements. Donc, كذلك, tu le vois, ces gens-là, يَعْتَمِدُوا دَنَا نُقُولَاتْ بَعْدَ الْعِمَّةِ بَعْدَ الْكُتُوبِ. Ils ont des livres, par exemple, les ulama, des livres, des mujalladat, des volumes, 200 pages, 300 pages, 500 pages. L'autre, il vient, il prend une demi-ligne. Je regarde ce qu'il dit, Cheikh l'Islam. Il dit ça. Taïeb. Et tout le livre, il parle de quoi? Il a fait 500 pages pour deux lignes. Pour comprendre en deux lignes. C'est que ces deux lignes-là que tu cites là, il y a une explication qui vient. Avant ou après. D'accord? Regarde l'imam Ahmed, qu'est-ce qu'il dit là. Regarde ce qu'il dit là, l'Ibn Qayyim. Regarde ce que l'imam Shafi'i dit là. Ainsi de suite. Tu vois? On dit, le kalam, il peut être vrai. C'est-à-dire, le shahid qu'il a pris peut être vrai. Mais on regarde. Est-ce que c'est ce qu'il a dit avant? Non. C'est ce qu'il a dit après? Non. Tu connais son mazhab sur la mas'ala? Non. Tu ne peux pas arriver à faire un hukm à quelqu'un, il a le zambi, par cette petite phrase que tu as prise, sans la comprendre. Quand il se peut que tu l'aies mal comprise. Il y en a plein, des takfiriyin. Il y en a avec des kalam des salaf. Hein. Il n'y en a pas que le kalam de Platon ou de je ne sais qui, parmi les philosophes ou parmi les poètes. Ils prennent des kalam des salaf. Même des hadiths, même des versets. Mais est-ce qu'ils l'ont compris? C'est ça le problème. Parce que ce kalam, il a été mis hors contexte. Yaqul al-mu'allif fal-wajib al-tafsil fi ay mas'alatin fassalat al-adila al-shar'iyya wa la yasa itlaq al-ahkam ala al-af'al dun ihtibar al-tafsil alladhi iqtadahu al-dalil. Donc il a dit quoi? Ce qu'il est obligatoire de faire, c'est de détailler dans les questions sur lesquelles justement il y a des adila détaillées. Tu ne viens pas qu'un hukm général ou catégorique sur une question sur laquelle il y a un détail, un tafsil à faire. Car cela amène justement à commettre l'erreur dans le tabdir, dans le takfir, dans le tafsir, ou à l'édalika. Donc, ces six règles-là qu'on a prises aident à connaître la suite. On les récapitule. La première, juger al-hukm bi anzal Allah fardain ala kulli muslim. Juger parce qu'Allah fait descendre est obligatoire pour chaque musulman. Et chacun à son niveau. Deuxième, wuku al-mar fi shay min al-mukaffirat la yalzam minhu kufruhu. Que la personne tombe dans les choses de kufr n'implique pas forcément que ce soit un kafir. Troisième, kufr al-hakim la yalzam minhu jawaz al-khuruj alayhi. Si le gouverneur ou celui qui prend du gouverneur, toute personne, là il parle du gouverneur en particulier, qui serait vraiment devenu kafir, cela n'implique pas forcément de pouvoir sortir contre lui. Il y a des chourouts. Rabi'a, quatrième, الأصل في الأعمال المخالفة لشرع عدم التكفير. Que la base dans les transgressions religieuses, c'est que ce n'est pas du takfir. Ce n'est pas du kufr. La base, c'est que ce sont des zonobes. الخامسة, مسألة الحكم بغير ما ينزل الله لا يختص بأحد دون آخر. Le fait de juger par autre que la loi d'Allah, ce qui en découle comme conséquence, comme punition ou autre, n'est pas spécifique au gouverneur. Comme on a dit dans la première règle, cela est valable pour tout musulman. Pour tout musulman. Mais pour tout mukallaf, même le kafir, il sera jugé pour avoir délaissé l'islam. Les péchés, les choses qui sont haram selon l'islam, sont haram pour lui également au jour du Qiyamah. Qu'il mange du porc, il sera jugé pour cela. Qu'il est forniqué, il sera jugé pour cela. Qu'il ait bu de l'alcool, جاب ما يا ربي جيت با مسلم جاي طيب نانتي با مسلم طبعا نقول له فعل بس منو طب تي با مسلم اون بو با تون امبيشي بو با جي ان مسلم في صلاه ان كافر با نقول في صلاه بوكو سا با اكسبت لي على باز مي الله عز وجل لوي لو جوجا بو نبا في صلاه اما نو بو با الفورسي اي سيزيام قاعده que l'ijmal sabab fi kathir min al-ishkalat, que les paroles vagues et imprécises sont source de beaucoup de problèmes, à cause de beaucoup de problèmes. Et on l'emporte dans les cas où il faut préciser. Dans les cas où il y a un détail à dire, le détail, il faut le dire. Pour pas que les gens, hein, ne s'égarent et ne se trompent. Non. Alors, je vais prendre ma part de Fanny, mais bon. Inch'Allah, ça n'a pas besoin d'un, Inch'Allah. Ma foi, ma'adhi. Donc là, on a fini le mabhas al-awwal. Fa ila huna wa hamdulillah.